إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc aujourd'hui on va faire le cours numéro 18 dans l'explication du livre الرد الشرعي المعقول على المتصل المجهول, le livre du Cheikh Ahmed al-Najmi rahimahullah. Et donc le Cheikh, maintenant on est arrivé à un autre point où il explique, où il parle d'une autre question ou d'un autre sujet qui est toujours relié bien entendu au sujet qu'on a expliqué dans le passé. Et yani, toutefois c'est maintenant plus relié à qu'est-ce qui a rapport avec Tawhid al-Adiyan, c'est-à-dire yani, l'unification des religions. Donc on va parler de ce point de vue-là et à quel, on va expliquer en même temps comment les Ikhwan yani, ont été, disons, responsables de la propagation de cette idée-là dans les pays musulmans et même dans les pays non-musulmans. Donc on va commencer par la lecture du texte, là où on est arrivé. Faslun. وجدت نشرة معونة دعوة تقارب الأديان في العصر الحاضر للأستاذ حسين عبد الهادي المحاضر في الكلية, لا أدري في أي كلية هو لأنه لم يبين في النشرة, فجزاه الله خيرا من أين جاء وأين وجد لأنه أنكر المنكر. قال فيها بعد حمد الله والصلاة والسلام على نبيه أما بعد, فإن من أخبث أساليب الهجوم الذي يستهدف التطويق ظاهرة الاهتمام بالإسلام في هذا العصر المتمثلة في عقد المؤتمرات باسم التقارب الديني, يشترك فيها مسلمون ونصارى. فالمتأمل في سياسة الغرب الاستعمارية الموجهة إلى العالم الإسلامي يجد أنها تتجه إلى إقناع المسلمين بالانحياز إليه ونسيان ماضيه المملوء بالخزي والعار, ولأجل هذا فإنه يحاول التقارب تحت اسم تقارب الأديان لمواجهة الخطر الشيوعي على حد زعمه. ولكن إذا دققنا النظر جيدا في تاريخ الاستعمار الحديث نجد أنه أنه جند الدين لخدمة أهدافه ومآربه, كما هو الملاحظ في المؤسسات التبشيرية المنتشرة في العالم الإسلامي. ولما انكشفت أهداف هذه المؤسسات للمسلمين من خلال ما قامت به من نشر الفساد والضلال, أراد الغرب أن يحقق أهدافه تحت اسم جبهة إسلامية نصرانية تحت اسم جبهة إسلامية نصرانية متحدة, وقد جند ذلك رجال الدين النصراني الذين وضعوا أنفسهم لخدمة الاستعمار باسم الدين، كما جند أيضا لهذا التقارب بعد المنتسبين إلى العلم في أوساط المسلمين. وبداية هذه الفكرة كانت في أواخر القرن الميلادي السابق، وأول من تبناها هو الجانب النصراني متمثلا في المبشرين ذوي الخبرة والتجارب، ولكن الفكرة لم تلقى تأييدا في البداية من الجانب الإسلامي وبخاصة الأزهر في مصر. انظر مجلة الأزهر المجلد السابع صفحة 300 وما بعدها. Donc le cheikh explique maintenant que il y a eu une publication, yani une distribution d'un écrit ou d'un livre ou quelque chose de ce genre qui s'intitulait l'appel à l'unification ou au rapprochement des religions à l'époque actuelle, et c'était fait par le professeur Hussein Abdul Hadi qui donnait des conférences à la faculté. Et la faculté où il donnait les cours n'est pas mentionnée. Donc le cheikh il dit que Allah le récompense peu importe d'où il vient et peu importe où il est, car il a dénoncé le mal et donc il a fait quelque chose de bien. Et après le cheikh il dit que ce professeur Hussein Abdul Hadi il a dit dans ce livre ou dans ce texte Alhamdulillah et والسلام على نبيه أما بعد. Il dit parmi les moyens, les méthodes les plus sales et les plus laides utilisées par les kuffars pour combattre et attaquer et qui est utilisée pour encercler le phénomène de l'attention que les gens ont pour l'islam à l'époque actuelle, hein, c'est en fait parmi ces méthodes-là qu'ils utilisent, c'est le fait d'établir ou de faire des conférences et des conventions au nom du rapprochement des religions. Et on voit que dans ces conventions-là, il y a ou des séminaires, dans ces séminaires, on voit qu'il y a des musulmans et des chrétiens qui participent. Et celui qui médite bien comme il faut sur la politique de l'Occident colonisateur, comment il vise le monde musulman et comment il travaille contre le monde musulman, il va réaliser en fait il va trouver que c'est basé sur le fait d'essayer de convaincre les musulmans de se rallier à l'Occident et d'oublier son passé qui est rempli d'humiliation et de honte. Et donc, à cause de ce programme-là ou de ce projet-là qu'ils ont, ils essaient de faire des rapprochements au nom du rapprochement des religions, soi-disant pour affronter le danger communiste. Hein, ça, c'est leur expression aujourd'hui. Et ça, c'est une choubha qui est utilisée par plusieurs parmi les hizbiyyines et parmi les mubtadi'a, du fait qu'ils disent bon, les athées et les communistes, ils se réunissent tous maintenant contre les religions, contre la foi en Dieu et tout, donc il faut que toutes les religions, tous ceux qui croient en Dieu et qui reconnaissent l'existence de Dieu, il faut qu'ils se réunissent tous ensemble pour contrer justement ce danger de l'athéisme, ainsi de suite. Bien entendu, c'est une choubha qui est totalement fausse, parce que de toute façon le communisme il vient à la base des chrétiens et des juifs, comme on l'a déjà expliqué dans d'autres cours. Et non seulement ça c'est que aussi le communisme ou l'athéisme c'est une forme de shirk, et le christianisme et le judaïsme aussi sont remplis de formes de shirk également, qui sont tout aussi dangereuses pour les gens que le communisme. Donc d'essayer de combattre une forme de shirk en se ralliant avec des mouchriquines ou avec une autre catégorie de mouchriquines, eh bien ça amène au même. D'accord, donc que ce soit des mouchriquines qui nient les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala ou qui nient Allah subhanahu wa ta'ala dans son existence, ou bien qui nie le tawhid, l'unicité d'Allah dans son adoration, ainsi de suite, ou bien dans les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, tout ça c'est des formes de shirk, et elles sont toutes aussi dangereuses les unes que les autres. Et même que parfois le shirk des juifs et des chrétiens est plus dangereux même que le shirk des communistes, puisque le shirk des juifs et des chrétiens est fait au nom de la religion et montre une apparence de foi et de pratique religieuse et de reconnaissance de l'existence de Dieu. Et donc ça peut tromper beaucoup de monde, tandis que le shirk des communistes et des athées, c'est une forme de shirk qui est évidente et claire, et donc la plupart des hommes ne se laissent pas tromper justement par ce genre de shirk, et ils le reconnaissent automatiquement que c'est un kufr clair, et donc ils le rejettent, la plupart des croyants le rejettent. Donc c'est pour dire que le danger des chrétiens et des juifs par rapport à la question de la foi est beaucoup plus grand que le danger des communistes. Donc le cheikh, il explique ensuite, il dit que comme on disait, ils se réunissent, ils essaient de dire qu'il faut se réunir contre le danger communiste, et il dit que si on observe d'une façon plus précise dans la question de l'histoire de la colonisation récente ou moderne, on va réaliser que les hommes de religion ou la religion a été utilisée ou on s'en est servi pour des buts et pour des objectifs de colonisation, comme ça a été observé dans le travail qui a été fait par les missionnaires chrétiens dans le monde musulman lorsqu'ils vont pour, par exemple, prêcher le christianisme. Ils ont toujours été, l'avant-garde de qu'est-ce qu'on appelle la colonisation. Parce que les prêtres qui allaient, les moines ou les prêtres qui allaient comme missionnaires, c'était aussi également des espions et des gens qui travaillaient justement pour rassembler toutes sortes de données et toutes sortes d'informations au sujet de qu'est-ce qui se passait dans les pays musulmans, puis par la suite utiliser ces informations-là pour le bienfait ou pour le bien des colonisateurs et des armées par la suite qui rentraient en force dans les pays musulmans. Il y a beaucoup de jeunes musulmans qui ont aucune compréhension et aucune notion de l'histoire de qu'est-ce qui s'est passé durant la colonisation ou avant, et qui ne comprennent pas du tout qu'est-ce que ça peut impliquer. Ils pensent que c'est quelque chose qui a rapport avec le passé et que ça n'a pas du tout d'impact avec qu'est-ce qui se produit aujourd'hui dans le monde, alors qu'en réalité tout ce qui se produit aujourd'hui actuellement dans le monde, que ce soit dans le monde musulman ou en dehors même des pays musulmans, même en Occident, eh bien c'est le fruit de tout ce qui s'est passé dans les temps passés par rapport à aux répercussions justement de la colonisation et ainsi de suite. Donc c'est très important de comprendre et de connaître ces choses-là. Ça c'est bien entendu après avoir compris et appris notre religion comme il faut. Donc c'est ça, c'est que les missionnaires, ils avaient ce rôle-là. Aujourd'hui, ceux qui remplissent ce travail ou qui font ce travail-là, en dehors des prêtres ou en dehors des missionnaires, parce qu'il y en a des missionnaires qui sont encore dans les pays musulmans, mais non seulement il y a des missionnaires maintenant, mais il y a des gens qui travaillent au nom des ONG ou bien des organisations humanistes ou humanitaires, comme on les appelle, et parfois même c'est des journalistes qui travaillent comme des espions eux aussi, pour récolter des informations ou des choses, des données sur les pays musulmans, sur les situations politiques, économiques, sociales et autres, et puis ils utilisent ça par la suite pour transmettre ces données-là aux non-musulmans, bien entendu, aux gens qui sont responsables de la surveillance ou des choses de ce genre, de ce qui se passe dans les pays musulmans, sans compter d'autres personnes également. Donc le cheikh il dit que lorsque lorsque ces organisations-là ont été découvertes par les musulmans à travers qu'est-ce que ces organisations-là ont propagé dans les pays musulmans de corruption et d'égarement, l'Occident ont voulu réaliser leur but d'une autre manière, c'est-à-dire en établissant un front qui réunissait les musulmans et les chrétiens, soi-disant, pour les armer et aller au nom de la religion, pour les réunir au nom de la religion. Et donc les hommes de religion, les prêtres chrétiens, l'Église chrétienne, c'est disons préparé pour justement travailler dans ce sens-là et essayer de réunir les hommes de religion pour essayer de faire en sorte que ils rallient avec eux les musulmans. Et ça, bien entendu, tout ça, c'était à la base pour servir le colonisateur. Ensuite, le cheikh il dit, et de même que ils ont fait en sorte de réunir ou de rassembler, d'enrégimenter les gens dans cette idée de rapprochement des religions. Donc ils ont essayé de réunir certains parmi les musulmans dans le monde musulman, des gens qui se prétendent ou qui appartiennent à la science parmi les musulmans, qui sont supposés être des savants, des gens de science. Et donc au début de ce siècle et à la fin du siècle dernier, on parle du siècle chrétien, les chrétiens de leur côté ont essayé de faire ça de la part du côté des missionnaires, du côté de l'Église, du côté des prêtres. Ils ont fait beaucoup de tentatives justement pour essayer de faire des rapprochements avec les musulmans. Toutefois, du côté des musulmans, il n'y a pas eu vraiment d'aide ou d'acceptation de cette idée-là de la part des musulmans, et en particulier de la part de Al-Azhar en Égypte. Personne ne voulait rien savoir de cette idée-là. Ensuite, le cheikh il dit de regarder dans le magazine qui est publié par l'université de Al-Azhar, le volume 7, à la page 301, et qu'est-ce qui est écrit également après cette page-là. Ensuite, le cheikh dit « Walakin bada'at al-muhawalat, walakin ba'da muhawalatin istata'u iqna' al-Azhar, fashtaraka fi mu'tamar al-adyan fi Bruxelles, am 1936. » وقد مثله الشيخ عبد العزيز المراغي فألقى في المؤتمر كلمة بين فيها رأي الإسلام في التعاون والوفاق. نعم. كما اشترك الأزهر بمندوب عنه وهو الدكتور محمد عبد الله دراز في مؤتمر الأديان في سنة 1939. ثم توقفت المؤتمرات لفترة لتعود من جديد في الخمسينات من هذا القرن على المستوى شبه الرسمي، ويدافع من الضغوط السياسية واقعا تحت أسماء مختلفة، مرة باسم التقارب الإسلامي المسيحي ومرة باسم التفاهم الإسلامي المسيحي، وكل الطرق لا تؤدي إلى روما فحسب بل إلى الفاتيكان. وبدأت المؤتمرات تتوالى وهي على النحو التالي. دونك الشيخ يزيد على السويتك. Ensuite, il y a eu des tentatives et ils ont réussi à convaincre Al-Azhar de participer dans la convention ou le séminaire qui était organisé à Bruxelles en 1936. Et celui qui représentait Al-Azhar dans cette convention là ou dans ce séminaire, c'était un cheikh qui s'appelait Abdul Aziz Al-Marari. Et donc ensuite il y a eu un autre séminaire, mais Abdul Aziz Al-Marari, il a fait une conférence, il a parlé, il s'est adressé sur la position de l'islam dans la coopération au sujet de la coopération et de l'entente, la bonne entente ou l'union. Donc ensuite il y a eu la participation de Al-Azhar en 1939 dans la convention qu'ils ont fait également pour les religions, et c'était le docteur Mohamed Abdullah Daraz qui a participé dans cette convention-là. Et ça, c'est dans le magazine de Al-Azhar, le numéro 10, à la page 532. Et qu'est-ce qui est écrit après, c'est la suite. Ensuite, les conférences, les conventions ont cessé, les séminaires ont cessé pendant une certaine période, pour recommencer par la suite à nouveau dans les années 50 de notre siècle, dans le siècle chrétien bien entendu. Et c'était devenu maintenant presque officiel, c'est-à-dire la participation maintenant était pratiquement officielle. Et c'était poussé par des pressions politiques les noms des participants ou les noms qu'on donnait à cette participation-là, souvent ça prenait différents noms, comme par exemple le rapprochement islamique et chrétien, ou bien parfois la compréhension islamique chrétienne, la bonne entente ou la compréhension entre les juifs et les chrétiens, entre les chrétiens et les musulmans, et aussi tous ces chemins-là amenaient non seulement à Rome, mais au Vatican. Ensuite, il y a eu d'autres conférences ou de conventions qui se sont suivies les unes après les autres. Et il les énumère, il en énumère environ 7 ou 8. Et puis, ensuite, il parle de ces conférences-là en détail. Donc, il dit, premièrement, Bon, le cheikh dit « Inaqada al-mu'tamar al-islami al-nasrani bida'watin min jam'iyati asdiqa al-sharq al-awsat al-amerikiyah fi Bahmidoun fi Lubnan an 1954 وفي سنة 1970 عقد مؤتمر للحوار في عجلون اشترك فيه ممثلون عن الإسلام والنصرانية والهندوكية والبوذية وفي سنة 1972 أقيم حوار إسلامي نصراني في بورمانا بلبنان وفي سنة 1974 عقد المؤتمر الإسلامي النصراني الأول في قردوبا بإسبانيا وفي سنة 1975 عقد مؤتمر للحوار في تونس وفي سنة 1976 عقد مؤتمر للحوار بين الطرفين في ليبيا وفي سنة 1977 عقد المؤتمر الإسلامي النصراني الثاني في قرطبة بإسبانيا وفي السنة 1978 تم اللقاء بين وفد من الفاتيكان ووفد من علماء الأزهر برئاسة شيخ الأزهر عبد الحليم محمود في مكتبه وقد حضر هذا اللقاء سفير مصر لدى الفاتيكان مع أنه حوار ديني لا يدخل تحت اختصاصه ولكن اشتراكه يؤكد الطابع السياسي لفكرة الحوار نفسه لفكرة الحوار نفسه ما أردت انتهى ما أردت نقله. Donc le cheikh il mentionne par la suite la suite de la lettre de cette personne qui parle de ce sujet. Il dit qu'il y a eu par la suite une série de rencontres ou de conventions ou de séminaires qui ont été établis par la suite, comme par exemple en 1954. Il y a eu un séminaire islamique et chrétien par l'invitation ou avec l'invitation de la Société des Amis du Moyen-Orient, qui est une société américaine, dans la ville de Bahmidoun au Liban. En 1970, il y a eu le séminaire pour le dialogue dans la ville de Ajloun. Et il y a eu des représentants de l'islam et du christianisme, de l'hindouisme et du bouddhisme dans ce séminaire. En 1972, il y a eu le dialogue islamo-chrétien dans la ville de Bourmana au Liban. Je ne sais pas si je prononce bien comme il faut ou non, mais bon. Ensuite, en 1974, il y a eu le séminaire islamo-chrétien, le premier dans la ville de Cordoba en Espagne. En 1975, il y a eu un autre séminaire pour le dialogue à la ville de Tunis, en Tunisie. En 1976, il y a eu une autre convention, un autre séminaire pour le dialogue entre les religions en Libye. En 1977, il y a eu également un autre séminaire de ce genre, islamo-chrétien, encore une fois en Espagne, pour la deuxième fois en Espagne. En 1978, il y a eu une autre rencontre entre une délégation du Vatican et une délégation des savants de Al-Azhar. Et à la tête de cette délégation-là, il y avait Abdul Halim Mahmoud. Et l'ambassadeur égyptien auprès du Vatican était présent lors de cette rencontre, malgré que c'était soi-disant un dialogue religieux qui n'a rien à voir avec sa spécialisation, c'est-à-dire c'était pas dans son domaine de spécialité, c'est-à-dire l'ambassadeur égyptien, c'était pas de son domaine, les dialogues religieux c'est pas de son domaine, mais malgré tout il s'est présenté et il a assisté à ce séminaire. Donc c'est comme pour expliquer en même temps, pour montrer que le fait qu'il a participé, ça confirmait la nature politique de cette idée de dialogue elle-même. Et donc ça c'est la fin de ce que le cheikh Ahmed al-Najmi a voulu citer des paroles de cet homme qui est Hussein Abdul Hadi. Donc le cheikh il commente maintenant, il commence à expliquer cette citation là. Cheikh il dit أقول إن دعاة التبشير لما عجزوا عن إخراج المسلمين عن الإسلام دين الحق والحنيفية والتوحيد الذي جاء وحيا من الله بواسطة الرسول الملك جبريل والرسول الملك جبريل عليه السلام إلى الرسول البشري محمد صلى الله عليه وسلم كما قال جل من قائل نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وقال أيضا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى أقول لما عجز دعاة التبشير من النصارى عن إخراج المسلمين من دين الإسلام إلى دين النصرانية المبني على التخريف والتضليل والأساطير الكاذبة المتناقضة وأخفقوا في مساعيهم المبذولة من أجل ذلك والمدعومة بالجهد والمال ولم يحصل لهم شيء من مطلوبهم إلا شيء لا يذكر عند ذلك أرادوا أن يخرجوهم من الإسلام ويدخلوهم في النصرانية بالمكر والخداع تحت مظلة الحوار والتفاهم الديني والتعاون المعيشي وقد انطلت هذه الترهات على بعض قادة المسلمين وعلمائهم ابتداء من الأزهر الذي هو منارة العلم في ذلك الزمن وهو القرن الرابع عشر فاشترك الأزهر في كثير من مؤتمراته وفي القرن الحالي قد تبنى الدعوة إلى مؤتمرات الأديان أو حوار الأديان أو تفاهم الأديان ومعناه أن يتنازل المسلمون عن شيء من عقائد دينهم وتشريعاته الحقة ليتقربوا من النصارى ويصيروا بذلك إخوة لهم ولو كان ثمن ذلك اللعنة من الله على من فعل ذلك أقول قد تبنى الدعوة إلى تلك المؤتمرات في الآونة الأخيرة الإخوان المسلمون في السودان والإخوان المسلمون في الكويت كما ستراه في الفصلين الآتيين. Donc le cheikh Ahmed al-Najmi il dit, je dis que les missionnaires, lorsqu'ils ont été incapables d'amener les musulmans à quitter l'islam, qui est la religion de vérité, la religion du pur monothéisme d'Abraham, et la religion du tawhid, que Allah a envoyé par son messager ange, Gabriel, à son messager homme, Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, comme Allah subhanahu wa ta'ala il le dit dans, le vers, dans les versets 193 à 195 dans Sourate Ash-Shu'ara, que l'esprit fidèle, c'est-à-dire Jibril, est descendu avec sur ton cœur pour que tu sois parmi les avertisseurs en, dans une langue arabe claire. Et également les versets 3 et 4 dans Sourate An-Najm, Allah subhanahu wa ta'ala il dit, et ce n'est, il ne parle pas sous l'effet de la passion, c'est uniquement une révélation qui lui est transmise ou révélée. Ensuite, le cheikh il dit, donc quand les missionnaires ont été incapables de faire sortir les musulmans de l'islam pour les amener à la religion du christianisme qui est basée sur les superstitions, sur l'égarement, sur les histoires fausses et mensongères et contradictoires, et qu'ils ont vu leurs tentatives frappées et complètement écrasées du fait qu'ils ont tenté de dépenser beaucoup de, d'argent et d'efforts dans ces tentatives-là et qu'il n'y a rien qui a marché pour faire rentrer les musulmans dans leur religion, ils ont utilisé une autre méthode. Hein, parce qu'ils ne sont pas arrivés à leur objectif comme ils voulaient. Ils n'ont pas réussi à faire sortir les musulmans de l'islam comme ils le souhaitaient, pour les faire entrer dans le christianisme. Alors ils ont utilisé une autre façon, une autre ruse pour les faire rentrer dans le christianisme. Et cette ruse, c'est par l'utilisation de ces dialogues et de ces rencontres interreligieuses, justement, pour soi-disant amener une compréhension mutuelle entre les gens des différentes religions, et d'amener une certaine coopération et un vivre ensemble, comme ils appellent souvent ces choses-là. Et donc, à partir de ces idées-là, certains des leaders parmi les musulmans, certains des responsables parmi les musulmans, et certains savants, en partie, en commençant par ceux de Al-Azhar, qui étaient à l'époque le phare de la science, dans le 14e siècle dans les pays musulmans, on parle du 14e siècle Hijri de l'Égypte. Il y a donc Al-Azhar qui a participé dans ces conventions, dans ces séminaires, et dans le siècle présent qui est le 15e siècle, on voit que il y a toujours eu une continuité dans ce sens-là de leur part, du fait qu'ils établissent ou ils font des séminaires pour réunir les religions et pour le dialogue entre les religions et la compréhension entre les religions. Et qu'est-ce qu'ils veulent dire par là? C'est le fait qu'ils veulent que les musulmans fassent des compromis et rejettent ou délaissent ou laissent tomber certaines de leurs croyances et certaines de leurs législations qui sont vraies, qui sont établies sur la vérité, pour se rapprocher aux chrétiens et pour qu'ils deviennent soi-disant des frères avec les chrétiens. Même si le prix de cela, ce serait la malédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala pour celui qui le fait. Donc, c'est quelque chose de grave en réalité. Et comme le cheikh Al-Fawzan l'a expliqué, si le but de ces dialogues avec les gens des autres religions, c'est de leur montrer leur égarement et de réfuter leurs mensonges et leur fausseté et leur égarement, et de les ramener à la vérité, dans ce cas-là, c'est quelque chose de bien. Si c'est fait de la part des savants de l'islam, qui ont une bonne connaissance de l'islam, une bonne connaissance de leur religion, et qu'ils s'assoient avec eux pour les réfuter, pour leur montrer leur contradiction et les ramener à la vérité. Dans ce cas-là, ça c'est pour le bien. C'est comme Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit dans le Coran, وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. Donc il faut dialoguer avec les et débattre avec les gens du livre avec les meilleures façons, les meilleures méthodes, Et donc ça c'est un appel dans le Coran à dialoguer et à appeler les gens du livre. Il y en a beaucoup d'autres versets qui parlent de ces différentes choses-là, comment d'appeler, qu'on doit appeler les gens du livre au tawhid et les appeler à l'islam et les amener à la vérité. Donc ça c'est en leur clarifiant la signification de l'islam, puis en même temps en les réfutant sur les contradictions et les mensonges qu'ils ont dans leurs croyances et dans leurs pratiques religieuses. Mais si c'est ça la signification du dialogue, dans ce cas-là c'est correct. Mais si le but du dialogue ou la méthode qu'on utilise dans le dialogue, c'est juste, de parler avec les chrétiens pour essayer d'arriver à une entente sur le fait de laisser tomber certains aspects de l'islam pour faire plaisir aux chrétiens et pour faire plaisir aux gens des autres religions, alors là, dans ce cas-là, bien entendu, c'est quelque chose qui est contraire à l'islam et qui est interdit à l'islam. Et ça, c'est en particulier dans les groupes et dans les organisations de gens qui aujourd'hui appellent à un dialogue entre les religions. Et à Montréal, ici, il y a des groupes comme ça qui travaillent à ces soi-disant dialogues entre les religions, comme par exemple ils font des cercles de discussion avec les soi-disant musulmans qui veulent participer avec eux. Puis, on voit toutes sortes de choses vraiment bizarres dans ces rencontres-là, qui sont bien entendu contraires à l'islam dans leur définition. Et le dialogue ou rencontre entre chrétiens et musulmans et un témoignage réciproque. Le mot dialogue évoque un échange tête à tête. Le mot témoignage incite à regarder ensemble dans la même direction, celle du monde qui nous interpelle et œuvre, et a œuvré à son service, ainsi de suite. On voit que c'est des choses totalement stupides. Ensuite, il dit qu'ils soient sunnites, chiites ou kharijites. Les musulmans se reconnaissent d'abord entre eux comme musulmans. De même, les chrétiens, qu'ils soient catholiques, protestants ou orthodoxes, aspirent d'abord à l'unité comme frères et sœurs dans le Christ. Ainsi, les fidèles musulmans et les chrétiens, doivent d'abord se reconnaître entre eux comme frères et sœurs dans la foi en Dieu. Et au niveau mondial, il y a plusieurs dialogues bilatéraux entre musulmans et chrétiens. Au niveau national et provincial, nous nous retrouvons ensemble entre croyants pour aborder le défi du monde contemporain par nos initiatives de dialogue. Nous faisons ainsi profiter nos groupes religieux respectifs de ce questionnement, les rendant capables d'y apporter des réponses adaptées afin que l'espérance dont elles sont porteuses puisse être perçue par tous les hommes de bonne volonté. Ça, c'est des exemples de qu'est-ce que ces gens-là essaient de faire. Et on voit clairement que ils considèrent les gens de toutes les religions comme étant des croyants qui sont sur la même foi qui ont toute une foi en Dieu. Bien entendu, pas la même foi, mais qui sont unis dans la foi en Dieu. Donc, il n'y a pas de doute que ça, c'est des choses contradictoires. Il y a une autre définition qui est donnée ici par une prix Nobel de la paix de 1958, c'est tout un nom, D.Pire, P-I-R-E. Il dit « Dialoguer, c'est passer au-delà des frontières de ses propres convictions pour essayer le temps du dialogue de se mettre de cœur et d'esprit à la place de l'autre, sans rien renoncer de soi-même, mais pour comprendre, juger et apprécier ce qu'il y a de vrai, de bon et d'utile dans la pensée, le sentiment, l'action de l'autre. Il s'agit de mettre provisoirement entre parenthèses ce qu'on est, ce qu'on pense, pour comprendre et apprécier positivement, même sans le partager, le point de vue de l'autre. Il y a là un profond renoncement à soi. » Et donc ça, c'est bien entendu totalement en contradiction avec le Coran et la Sunna. Bien entendu. Donc, on va cesser de lire ces absurdités et ces bêtises, et on va revenir à notre cours. Donc, le cheikh, il dit, ensuite, donc, il y a eu donc cette tentative-là. Donc, si c'est le but de faire ces choses-là, c'est-à-dire de rapprocher les croyances dans le sens de dire qu'il n'y a pas de... essayer de réunir les gens dans la foi en faisant des compromis entre les juifs et les chrétiens, avec les juifs et les chrétiens au sujet de la foi, pour que les juifs et les chrétiens soient satisfaits de nous. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit déjà en partant, وَلَنْ تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَصَارَ حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. Il y a des musulmans, quand ils entendent ce verset-là, ça les enrage, ça les met en rage, yani, ils détestent ce verset. Yani, et ils essaient de l'interpréter d'une façon, soi-disant, que pour faire en sorte que ça n'ait plus du tout la signification que ça a en réalité dans le Coran. Comme par exemple, entre autres, il y a Tariq Ramadan. Tariq Ramadan, quand il entend ce verset, ça le met en rogne. Et il déteste que des musulmans citent ce verset-là. Et il prétend que les musulmans qui utilisent ce verset-là, ils le citent parce qu'ils ont peur, ou bien parce qu'ils ne connaissent pas leur religion, parce qu'ils n'ont pas confiance en eux, ou bien parce qu'ils ne sont pas capables de débattre ou d'argumenter, alors que ça n'a rien à voir. Et c'est pas parce qu'ils ont peur de quoi que ce soit des gens du livre ou d'autres choses. Au contraire, c'est juste pour expliquer que Allah, quand il décrit la réalité des gens du livre, il parle avec connaissance parce que il est Allah subhanahu wa ta'ala, il est l'omniscient. Et quand il décrit la réalité de ces gens-là, il ne fait pas que dire quelque chose comme ça sans signification. Au contraire, il décrit la réalité de ce qu'il y a dans le cœur des gens du livre. Et donc, c'est une réalité qu'il explique pour nous avertir et nous mettre sur nos gardes en réalité face aux gens du livre et face aux juifs et aux chrétiens, justement, pour qu'on sache que dans la réalité, même si c'est pas qu'est-ce qu'ils nous montrent ouvertement, les juifs et les chrétiens dans leur cœur, ils ne souhaitent qu'une seule chose. Ils ne souhaitent qu'une seule chose, c'est que les musulmans quittent leur religion et deviennent comme eux. Ils ne vont jamais être satisfaits des musulmans, jamais, peu importe qu'est-ce que les musulmans font pour leur faire plaisir, les koufars, que ce soit des juifs, les chrétiens ou autres, ils ne seront jamais satisfaits tant qu'on ne sera pas sur leur croyance et sur leur religion. Et même, je me souviens une fois, c'était la première et la dernière fois où j'ai assisté à une des conférences de Tariq Ramadan. Quand j'ai justement j'ai entendu certaines paroles de certaines personnes qui étaient présentes là-bas, qui justement essayaient d'égarer les musulmans et de les appeler à faire des compromis dans leur foi et dans leur croyance, moi j'ai fait ce commentaire-là une fois, j'ai mentionné ce verset, et puis lui il s'est objecté par la suite et il a dit non, c'est pas comme ça qu'il faut mentionner ce verset. Ça veut pas dire quand tu dis que les juifs et les chrétiens ne seront pas satisfaits de nous jusqu'à ce qu'on suive leur religion. Lui il dit non, ça veut dire que il faut chercher à satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala avant tout, et donc c'est ça que ça signifie. Et il n'a pas voulu donner au verset son sens tel qu'il est expliqué, tel qu'il est mentionné dans le texte lui-même, puisqu'il est clair cette signification, ce verset-là, il est très clair. Et si tu lis la suite du verset, tu vois que c'est encore plus clair. C'est le verset 120 dans Sourate Al-Baqarah. وَلَنْ تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَصَارَ حتى تتبع ملتهم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. Ni les juifs, ni les chrétiens, ni les juifs, ni les chrétiens ne seront jamais satisfaits de toi jusqu'à ce que tu suives leur religion. C'est la direction d'Allah qui est la vraie direction. Mais si tu suis leur passion, après ce que tu as reçu de science, tu n'auras contre Allah ni protecteur, ni secoureur. Donc ça c'est quand même clair, hein, le verset. Et donc le cheikh il dit après que les gens qui ont porté cette da'wa dans notre, à notre époque au sujet de, des conventions ou des séminaires qui ont été organisés au sujet du rapprochement entre les religions, ce sont les Ikhwan au Soudan et au Koweït, comme on va voir dans les deux, parties qui suivent. Et Cheikh il mentionne les Ikhwan du Soudan et les Ikhwan du Koweït, mais la réalité c'est que ça ne se limite pas uniquement à ces deux pays-là. Il y a les Ikhwan de beaucoup d'autres pays également, pays occidentaux, qui participent et qui font partie de ceux qui entrent dans ce genre de séminaire. Donc, qu'est-ce qui suit par la suite? Donc, qu'est-ce qui suit? Il y a les paroles de quelqu'un qui s'appelle Abdel Aziz ibn Shabib al-Saqr. Il a écrit un livre qui s'appelle Tafahut al-Shi'arat wa Sukut al-Aqni'a. Et c'est un des frères salafis. Le cheikh, il dit qu'il a écrit ce livre. Et c'est un petit livre, il dit que c'est un petit livre qui contient plusieurs réalités au sujet des Ikhwan. Et parmi les sujets dont il parle dans ce livre, il parle des Ikhwan au Koweït. Et il explique que parmi les Ikhwan au Koweït, il y a justement ces tendances, des gens qui appellent aux élections, des gens qui appellent au rapprochement entre les religions, ainsi de suite. Donc, j'ai sauté une partie dans l'explication et dans le texte, parce que c'est, il y a des mentions de certaines choses qui sont un petit peu longues et qui ne concernent pas directement le sujet duquel on parle. Donc, je vais laisser passer cette partie-là. Et puis, on va revenir directement à la place, à partir du point où il y a la discussion du sujet dont on est en train de parler maintenant. C'est-à-dire, lorsque le cheikh a dit « Il a an qala fi safhati 19 nasharat majallat al-wa'i al-islami » في عددها رقم 354 الصادر في صفر 1416 ووقائع المؤتمر العالمي حول الإسلام والتفاهم بين مختلف الأديان والشعوب في العالم المتغير والذي عقد في موسكو في الفترة من 26 و29 ذي الحجة من سنة 1415 وذلك بمبادرة من الإدارة الدينية لمسلمي الإقليم الأوروبي لروسيا ولجنة مسلمي آسيا المنبثقة عن هيئة الخيرية الإسلامية العالمية التي يرأسها الدكتور عادل فلاح أحد المشاركين في هذا المؤتمر كما كان من المشاركين أيضا من الإخوان الكويتيين الدكتور محمد عبد الغفار الشريف والدكتور أيوب الأيوب. وقد ذكرت المجلة بعض التوصيات التي خرج بها المشاركون في المؤتمر. وقبل أن نسوقها كان لا بد من التنبيه على أمرين اثنين. الأمر الأول أن الدعوة إلى التقارب بين الإسلام والديانات الأخرى التي يقوم بها الإخوان المسلمون في الكويت ليست دعوة جديدة عمدوا إليها من تلقاء أنفسهم، ولكن هذه الدعوة لها جذور ممتدة منذ زمن حسن البنا مؤسس حزب الإخوان المسلمين، فقد جعلها أصلا من أصول منهجه، فهو الذي يقول وليست حركة الإخوان موجهة ضد عقيدة من العقائد أو دين من الأديان أو طائفة من الطوائف. Ici, le cheikh, il commence en mentionnant, à partir de la page 19 du livre dont on a mentionné tout à l'heure, il dit que le magazine Al-Wa'i al-Islami, dans son numéro 354, qui a été publié, qui a été publié en 1416, il y a les événements du séminaire international au sujet de l'islam et de la compréhension entre les différentes religions et les différents peuples dans le monde changeant. Ça, c'est le titre de la conférence, de la convention, et ça a été établi à Moscou entre le 26 et le 29 du mois de Zulhijja 2415. Hein? Et le cheikh, il dit que c'était organisé par la direction religieuse des musulmans de l'Europe, de la Russie et un comité de musulmans de l'Asie qui était envoyé par le comité de bienfaisance islamique internationale à la tête duquel il y avait le docteur Adil Falah qui était un des participants dans ce séminaire. Et il y avait également parmi les participants, parmi les Ikhwan du Koweït, Mohamed Abdel Ghaffar Sharif et le docteur Ayoub Al-Ayoub. Et le magazine mentionne certaines consignes qui avaient été données avec lesquelles sont sortis les participants de cette convention. Et on va les mentionner. On va mentionner certaines d'entre elles. Et ce sont deux consignes générales. La première consigne, c'est que la da'wa du rapprochement entre les religions, entre l'islam et les autres religions, est une idée ou un principe qui était établi directement dans le mouvement des frères musulmans au Koweït. Ça fait partie du mouvement des Ikhwan au Koweït. Et c'est pas quelque chose qui est nouveau pour eux, qu'ils ont fait en commençant par eux-mêmes, qui ont fait ça d'eux-mêmes, mais c'est quelque chose qui a des racines dans les enseignements même de Hassan al-Banna, depuis l'époque de Hassan al-Banna, qui était le fondateur du parti des frères musulmans, du groupe des Ikhwan. Et il en a fait un des fondements, parmi les fondements de sa voie et de son manhaj. Et c'est lui-même qui disait, dans une conférence qu'il a donnée, que le mouvement des Ikhwan n'était pas dirigé contre aucune parmi les croyances, et aucune parmi les religions, ou aucun parmi les différents groupes. Donc il y a un état que la façon dont Hassan al-Banna il le dit, son groupe ou son organisation n'est pas orienté contre aucune croyance, aucune religion et aucun groupe parmi les différents groupes. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, Cheikh dit l'amr al-thani hatta ta'rif anna huwa حتى تعرف من هو المستفيد من هذا المؤتمر انظر إلى المكان الذي عقد فيه لقد عقد هذا المؤتمر في موسكو عاصمة روسيا الشيوعية التي ترفع لواء لا إله والحياة مادة وفي الوقت الذي يقتل فيه الجنود الروس إخواننا المسلمين في الشيشان إلى أن قال وعودا إلى المؤتمر والتوصيات التي صدرت عنه إن المؤتمر الذي ضم ممثلي جميع الأديان مستلهما قيمها نحو إيجاد المساحات أرحب للتفاهم والحوار والتعايش بين الشعوب الثاني يستنكر المؤتمر في ضوء تعاليم الأديان السمحة جميع الحروب العرقية والطائفية في جميع أنحاء العالم قلت وفائدة ذلك إن كان له فائدة بالنسبة لبعض المشاركين القضاء على الجهاد الذي يدعي الإخوان المسلمون أنهم يقومون بواجبه دون غيرهم ثالثا يؤكد المؤتمر المبادرة العربية مؤتمر المبادرة العربية التي أعلنت في القاهرة سنة 1990 بضرورة إخلاء الشرق الأوسط من جميع أسلحة الدمار الشامل في وفي مقدمتها السلاح النووي رابعا يؤكد المؤتمر ضرورة الحفاظ على القدس بوصفها مهبط الأديان الثلاثة وخامسا يؤيد المؤتمر مبادرة الأزهر الشريف في تشكيل لجنة للوساطة من زعماء الأديان في العالم وللتدخل في حل النزاعات الإقليمية والدولية في ضوء تعاليم الأديان السماوية وميثاق هيئة الأمم المتحدة ويناشد المؤتمر جميع المؤسسات الثقافية والتعليمية العمل على ترسيخ قيم الحوار والتعايش والتواصل بين الثقافات والأديان المختلفة سابعا يوصي المؤتمر باستمرارية وجهات النظر وتأكيد روح الأخوة والتعاون بين المسلمين وإخوانهم من أتباع الديانات السماوية الأخرى كما يطالب المؤتمر بضرورة تشكيل أمانة عامة للمؤتمر ومتابعة تنفيذ توصياته وإنشاء مركز للدراسات التي تخدم قضايا التعاون والحوار والتفاهم بين أتباع الديانات السماوية الثلاثة وثامنا يدعو المؤتمر جميع الدول لأن توفر للأقليات أيا كان انتماؤها الديني حقها في ممارسة شعائرها الدينية والحفاظ على خصوصياتها الاجتماعية والثقافية. Donc ici le cheikh il explique que ensuite il y a eu le deuxième point. Il dit et pour que tu saches qui profite réellement de cette convention, regarde où est-ce que ça c'est la suite des paroles de l'auteur de ce livre, hein, c'est pas Cheikh Ahmed al-Najmi, c'est celui que le Cheikh Ahmed al-Najmi est en train de citer, c'est-à-dire l'auteur du livre qu'on a mentionné au début, pas au début du cours mais dans le deuxième point, c'est la parole de Abdelaziz ibn Shabib As-Saqar. As-Saqar ou As-Saqar. Et il dit donc que pour savoir qui va profiter réellement de ce séminaire, regardez à quel endroit il a été établi. Il a été établi à Moscou, dans la capitale de la Russie communiste, hein, celle qui élève la bannière de « il n'y a pas de Dieu et toute la vie n'est que matière hein. ». Donc ça c'est des gens qui sont matérialistes, qui ne croient pas en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on voit que c'est là-bas qu'ils ont établi cette conférence-là. Alors qu'il dit en même temps ils étaient en train de combattre les musulmans de la Tchétchénie. Donc ça c'est un commentaire qui est dit par cette personne, par ce cheikh. Et puis ensuite le cheikh Ahmed al-Najmi, il continue, il dit, et à partir de ce moment-là, il a cité jusqu'à là, puis après il dit, et par la suite il dit, pour revenir aux questions des séminaires et des consignes qui ont été données dans ce séminaire-là, c'était comme le point numéro 1, donc il disait que le séminaire qui a réuni des représentants de toutes les religions, il expliquait que les enseignements des religions amenaient à établir un terrain d'entente plus accueillant pour la compréhension, le dialogue et le vivre ensemble, le mieux vivre entre les peuples. Le deuxième point, c'est la dénonciation au nom à la lumière des enseignements des religions de tolérance, de toutes les guerres qui ont été établies, les guerres anciennes, les guerres de groupe, hein, les guerres de partisanisme, des choses de ce genre, partout où ça se produit dans le monde. Et le but de ça, c'est de cesser, soi-disant, le djihad. Alors que les Ikhwan, c'est eux-mêmes qui prétendent être les seuls à faire le vrai djihad. Donc, en même temps qu'ils sont en train de prétendre ça, ils sont en train de dire qu'il faut cesser toutes les guerres dans le monde, soi-disant, ça implique le djihad également. Ensuite, le point numéro 3, c'est le séminaire ou les conventions, la conférence qui est établie par ces gens-là ont déclaré que et lorsqu'elle a été établie, cette conférence, en 1990, au Caire, ils ont établi la nécessité d'enlever tous les armes nucléaires et toutes les armes de destruction dans le Moyen-Orient. Ensuite, le point numéro 4, la nécessité de préserver la mosquée de Quds telle qu'elle est, parce que c'est, soi-disant, l'endroit où les trois religions ont été révélées. C'est-à-dire, c'est un lieu sacré ou un lieu reconnu par les trois grandes religions, comme ils les appellent, comme s'il y avait trois religions. Alors qu'il n'y en a qu'une, hein, c'est l'islam, comme on l'a déjà expliqué dans les autres cours. Ensuite, le cheikh, il dit, comme le point numéro 5, également, ils ont essayé de supporter l'idée que Al-Azhar devait former un comité de représentants religieux dans le monde pour essayer de régler toutes les divergences et les disputes régionales et internationales selon la lumière des religions célestes et de l'entente des Nations Unies. Ensuite, il dit le point numéro 6 et le comité de ce séminaire. On dit que qu'il fallait supporter et aider toutes les différentes sociétés ou organisations culturelles et les organisations d'éducation à travailler pour renforcer et ancrer toutes les valeurs de dialogue, de vivre ensemble, de mieux vivre et de communication et de contact entre les différentes cultures et les différentes religions. Elle est comme l'UNESCO, par exemple, les trucs comme ça. Ensuite, le point numéro 7, il dit ensuite, le Cheikh, que le séminaire a conseillé également de continuer à regarder et à confirmer le séminaire a conseillé de faire continuer de façon permanente de faire part de leur point de vue et de renforcer et de confirmer l'esprit de fraternité et d'entraide entre les musulmans et leurs frères des différentes religions célestes. Et donc ici, il dit également, ils ont demandé de former un dépôt, peut-être c'est comme une caisse de dépôt, quelque chose comme ça, général pour le séminaire, pour faire suivre et pour faire exécuter les consignes qui sont mentionnés, et pour établir également un centre pour l'étude, pour écrire des études, pour faire des études, pour servir les causes de coopération et de dialogue et de compréhension mutuelle entre les gens qui suivent les différentes religions célestes, c'est-à-dire les trois religions célestes comme ils les appellent. Et le point numéro 8, il dit que le séminaire invite à tous les pays à fournir aux minorités, peu importe leur appartenance religieuse, leur droit de pratiquer leurs rituels religieux et leurs pratiques religieuses, et de préserver leur identité sociale et culturelle. Donc ça, c'est les idées de ces gens-là. Ensuite, le Cheikh dit, « وقال المؤلف المذكور جزاه الله خيرا في صفحة 25 إذا تأملت التوصيات السابقة حق التأمل اتضح لك يقينا مدى ما قدمه الإخوان المسلمون من التنازلات الكثيرة لليهود والنصارى حتى جعلوهم في مقام العزة وقد أذلهم الله وجعلوا المسلمين في مقام الذلة وقد أعزهم الله في قوله تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون فحسبنا الله ونعم الوكيل وإليه المشتكى أقول إن حرية الاعتقاد حفرية يلتقفها الإخوان المسلمون بعضهم عن بعض ويقلد فيها آخرهم أول ويقلد فيها آخرهم أولهم صغيرهم كبيرهم من أجل ذلك ومن أجل انصباغهم بصبغة الصوفية التي تؤمن بوحدة الوجود ومن ثم بوحدة الأديان كما سبق أن دللت عليه من قول شيخهم الأكبر وكبريتهم الأحمر محمد بن عربي ثم من أقوال سائر شيوخهم وعلى هذا فلا غبارة إن دعاء الإخوان فلا غبارة إن دعا الإخوان في الكويت وفي السودان إلى مؤتمرات وحدة الأديان وإلى مؤتمرات تقارب الأديان واشتركوا فيها لأن هذه العقيدة الكفرية من عقائد الصوفية المنحرفة والصوفية هي عقيدة شيخهم ومؤسس حزبهم الحسن البناء وتربى عليها من الصغر وترعرع في أحضانها واختلطت بلحمه ودمه منذ نعومة أظافره حتى كان يحلم بشيخه في الطريقة الحصافية في النوم كما اعترف بذلك وهو بنفسه في مذكراته وإن الدعوة إلى توحيد الأديان كفر أكبر مخرج من الملة لأنه كفر بشريعة الإسلام وأن الإسلام شريعته هي الدين الحق وكل دين سواه باطل فمن لم يعتقد هذا الاعتقاد فهو كافر حلال الدم والمال قال تعالى ومن يتبع غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وقال تعالى ألف لام راء تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون لشيخ الزي وانسويت لوتار دو سوليف Jazakallahu khayran, il dit à la page 25, et si tu médites sur les consignes mentionnées précédemment d'une façon correcte, tu vas voir que, avec conviction, tu vas voir que les frères musulmans, al-Ikhwan, ils ont fait des concessions et des compromis nombreuses pour les juifs et les chrétiens, et ils ont fait d'eux, ils les ont placés dans une position de puissance et de force, alors que Allah subhanahu wa ta'ala les a rabaissés et les a humiliés. Et ils ont mis les musulmans à une position de faiblesse et d'humiliation, alors que Allah subhanahu wa ta'ala les a anoblis et élevés dans sa parole, comme dans le verset 8 dans Surat al-Munafiqun. Allah subhanahu wa ta'ala il dit: et la puissance appartient à Allah, à son messager et aux croyants, mais les hypocrites ne savent pas. Ensuite, le cheikh dit « Fahasbunallah wa ni'mal wakil wa ilayhi al-mushtaka » Allah nous suffit et c'est lui le meilleur garant et c'est à lui que nous plaignons. C'est à lui que nous faisons part de nos plaintes. Ensuite, il dit, et là c'est maintenant le cheikh Ahmed al-Najmi qui parle, « Aqoul, de croire en la liberté de croyance ». C'est un mensonge que les Ikhwan ont hérité les uns des autres et ils se sont suivis. Les derniers ont suivi les premiers là-dedans. Et les grands ont suivi, les petits ont suivi les grands dans cette idée-là. Pourquoi? Parce que, en plus de ça, ils sont, imprégnés de cette idée soufiste en la, c'est-à-dire de croire en l'unicité de l'unicité de l'existence et par la suite l'unicité des religions comme j'ai mentionné les preuves de ça dans les paroles de leur plus grand cheikh leur plus grand cheikh Muhammad ibn Arabi comme on a mentionné Ibn Arabi toutes les paroles de Ibn Arabi le soufi égaré hérétique dans le cours passé dans les cours passés. Ensuite, il dit, et également, ça fait partie des paroles de leurs autres chouyours également. Et donc, c'est pas étonnant de voir que les Ikhwan appellent à ces idées-là au Koweït et au Soudan dans leurs séminaires, quand ils organisent leurs séminaires, ils appellent à l'unité des religions. C'est pas surprenant de voir ça. Hein. Et même, on voit ça de la part de Tariq Ramadan et de la part de ici à Montréal, Mohamed Shuraibi et d'autres parmi ces gens-là qui suivent ces tendances-là. Donc, tout ça, c'est des gens qui appellent maintenant à ces idées-là, que ce soit avec les juifs, que ce soit avec les chrétiens, et ils appellent à l'unité des religions. Donc, le cheikh, il dit, c'est pas surprenant de voir que ces gens-là appellent à ces idées-là, puisque, leur fondateur était lui-même des gens qui appelaient à cette idée-là. Et à cause de leur aqida et de leur croyance, qui est une croyance de kufr, parmi les croyances des soufis déviés, et c'est la croyance soufiste que possédaient leur cheikh et leur fondateur, le fondateur de leur groupe et de leur parti, Hassan al-Banna, qui a été éduqué depuis son petite enfance dans les idées et dans les croyances des soufis. Il a été éduqué depuis la tendre enfance, il a été éduqué sur ces idées-là et élevé là-dedans. Et il a bu le lait du sein des soufis, comme on dit, et c'est devenu quelque chose qui s'est mélangé avec sa chair et son sang depuis sa tendre enfance, avant même que ses ongles deviennent durs. Hein, il était tout petit, il a grandi avec ça, c'est une expression. Munzu nu'umati azafirihi. Et il dit ensuite, et même à un tel point qu'il rêvait même de son cheikh, le fondateur de la tariqa, ou bien un des shuyukh de ses shuyukh dans la tariqa al-hisafiyya. Quand il dormait, il rêvait de son cheikh. Donc ça, c'est une chose qu'il a reconnu lui-même. Il a expliqué ça et affirmé ça lui-même dans son livre Al-Muzakkirat, dans son mémoire. Ensuite, il dit le cheikh que d'appeler à l'unicité des religions, c'est une chose qui est kufr majeur, c'est une forme de kufr majeur qui fait quitter à quelqu'un la religion de l'islam, car c'est une mécréance, c'est le rejet de la foi en la charia de l'islam, hein, et c'est le rejet de la foi que l'islam avec sa charia, c'est la religion de la vérité, et que toute autre religion est fausse. Donc quiconque n'a pas cru en cette aqida et en cette croyance en l'islam, alors c'est un kafir et son sang est licite et ses biens sont licites. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, dans le verset 85, dans Surat Al-Imran, et quiconque recherche une autre religion que l'islam, il ne sera pas accepté de lui, et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Et le cheikh, il mentionne également le verset 1 à 3 dans Surat Al-Hijr. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Alif Lam Ra, voici les versets du livre et d'une lecture explicite. Le jour du jugement dernier, les mécréants voudraient avoir été musulmans. Laissez-les manger, jouir un temps et être distraits par l'espoir, car bientôt ils sauront. Donc ça, c'est les versets qui sont mentionnés dans ces versets-là. Ensuite, le cheikh dit, فهذه الآيات تدل على أنه ليس في الأرض دين يقبله الله ويرضى التعبد له به إلا دين الإسلام. وأن من زعم أن دين النصارى أن دين اليهود ودين النصارى أديان سماوية يجوز التعبد لله بها بعد نسخها برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والتقرب إليه بعباداتها فهو كافر حلال الدم والمال، وأنه يجب أن يستتاب فإن تاب وإلا قتل. Le Cheikh, il dit que dans ces versets-là, on voit la preuve claire que celui qu'il n'y a pas une autre religion sur terre qui sera acceptée d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'Allah va agréer qu'on l'adore par cette religion-là, excepté la religion de l'islam. Et que quiconque croit que la religion juive ou que la religion chrétienne sont des religions célestes et qu'il est permis d'adorer Allah par ces religions-là, après qu'elles aient été abrogées par le message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et que c'est permis de se rapprocher à Allah subhanahu wa ta'ala en adorant Allah par ces religions-là, alors il est kafir, il est mécréant, son sang est halal et ses biens également. Et il est obligatoire de lui faire se repentir, de lui demander de se repentir. S'il se repent, alhamdoulilah, c'est un bien pour lui, et sinon il doit être exécuté par le dirigeant ou par son représentant dans un pays musulman, dans un tribunal selon la loi islamique, comme c'est expliqué dans les livres de fiqh de toutes les époques, de tous les madahib. Et le cheikh, il dit ensuite, وقد افتى بذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب كما نقل ذلك صاحب تفاهت الشعارات وسقوط الأقنعة صفحة 27 فقال قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين إن الذي يجيز أن يكون الإنسان حر الاعتقاد يعتقد ما شاء من الأديان فإنه كافر بالله عز وجل يستتاب فإن تاب وإلا وجب قتله من فتاوى ابن عثيمين الجزء الثالث صفحة 99 وسيأتي فتوى لهيئة كبار العلماء فتبا وسحقا ثم تبا وسحقا لمن يسعى في عقد المؤتمرات لهذا الكفر الصراح وتبا وسحقا لمن حضر هذه المؤتمرات أو أعان عليها وتبا وسحقا لمن غاب عنها ورضيها وتبا وسحقا لمن سمع بهذه المؤتمرات ولم ينكرها ويتبرأ منها. الشيخ الذي ك الشيخ محمد بن عثيمين a déjà fait une fatwa au sujet justement de ces conventions-là, comme ça a été mentionné par celui qui a écrit le livre Tafahut al-Shi'arat wa Suqut al-Aqni'a, qu'on a mentionné tout à l'heure. À la page 26, il a mentionné cette fatwa du Cheikh Ibn Uthaymeen, et il dit que le Cheikh Mohammed Ibn Uthaymeen a dit que celui qui permet à quelqu'un d'être libre dans sa croyance et qu'il peut croire qu'est-ce qu'il veut parmi les religions, qu'il peut croire en celle qu'il veut parmi les religions, dans ce cas-là, il est kafir. Il a mécru en Allah subhanahu wa ta'ala. Et il doit être demandé de se repentir. Et s'il refuse de se repentir, il est obligatoire qu'il soit exécuté. Et donc ça, c'est bien entendu dans un pays musulman, selon les règles de la charia et selon le verdict de la charia qui sera établi par qui sera décrété par un juge musulman dans un tribunal islamique dans un pays musulman. Donc ça, c'est tiré des fatwas du Cheikh Ibn Uthaymeen, le volume 3 à la page 99. Et ensuite le Cheikh, il dit, et il y aura dans ce qui suit la fatwa du comité des savants, le comité des grands savants de l'Arabie Saoudite, qui explique le verdict au sujet de ces conventions-là et ces séminaires-là de façon générale. Et on va la mentionner dans les cours précédents, Inch'Allah. Donc il dit, malheur et malédiction à celui qui fait des efforts pour qui se précipite vers ces conventions-là et ces séminaires-là, parce que c'est une forme de kufr clair. Ensuite, il dit, et malheur et malédiction à celui qui est présent dans ces séminaires et qui aide à les établir, et malheur et malédiction à quiconque n'a pas participé, mais qui a été satisfait de ces genres de séminaires-là et qui les agrée, et malheur et malédiction à quiconque a entendu parler de ces séminaires-là et ne les a pas dénoncés et ne s'est pas désavoué d'eux. Donc ça, c'est la fin de, du passage qu'on voulait lire aujourd'hui. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت